Demi-portion, la barbe, Rolex. Un jour viendra, oui. Messieurs, dames, un jour viendra, ce seront les clans, les races. 200 frères affalés, ravalés, demi en terrasse sans se faire rafaler. Du sang sort de ses orifices et dans ses bras fallés. Du courage, papa dit, souris fils, soit de ses bras valés. Va falloir vivre avec le bruit des chars, son prix t'échappe. La vie confond le jour, la nuit, le cri des chats. Boum, y'aura des bombes là sur les champs. Y'aura des mauvais gens, y'aura des bons rats sur les jantes. Viendra le jour, elle sera femme et faudra l'assumer. Je l'aurai protégée contre flamme et fou, la race humaine. Lui dirait que le monde elle est sans ignorer pourquoi l'aimer. J'en oublierai mais vous continuerez pour moi les mecs. Grandit la princesse s'échappe, l'attend son père balise. Si le temps perd ses charmes, la chanson verbalise. Les cris d'enfants remplacés par des courants terminés. Et que l'on soit ou pas mimé, ses coups l'ont terminé. Un jour viendra, me restera 10 minutes, un point c'est tout. 10 000 lunes, mon rire diminue, puis dans un coin c'est tout. Le billet se brisera et des milliers mépris. Sans trier mes tristes rats, c'est plié mes crises ronflent. La barbe s'endormira, elle qui ravit le velours. Dis ça sent bon le miracle, qui criera vive le loup. Et puis elle tapera sur la boîte et moi plus je tape aussi. Mais l'on m'entendra pas, ce jour viendra mais le plus tard possible. Vivre sous cette épée Damoclès. Te pose pas la question si je suis rond, si je joue bien le drame. Je peux pas t'aider la mortless. La vie pour dire adieu mais nous verrons si ce jour viendra. Sous cette épée Damoclès. Pose pas la question si je suis rond, si je joue bien le drame. Je peux pas t'aider la mortless. La vie pour dire adieu et nous verrons. Un jour viendra, on n'y verra plus rien. Tous morts au pluriel. Depuis que le maquillage a su bien cacher le naturel. Au-delà des rêves du cauchemar, jusqu'au fond des ténèbres. Une bête ne peut pas tenir trop longtemps dans le conteneur. Un jour viendra sans colère, être amoureux sans se connaître. On prend des coups, on se relève, ça depuis l'époque du collège. Un jour viendra mes collègues. Papa, oui je t'aime très fort. Ta vie aujourd'hui je rappe, j'ai peut-être trouvé mon trésor. Ta force et tout ton courage, maman je t'oublierai pas. Élever des enfants toute seule, ça tombe ou qui balboa. Un jour viendra, on se tiendra, histoire de régler nos montres. Un espérant vivre au calme sans réveiller nos démons. Trop d'émotions, peut-être pas. Celle-ci c'est pour nos amis. La défense de Paul Pogba, les cerveaux de Platini. Un jour viendra, on s'aimera. Je te jure, promis, on cédera. La vie te serre la main mais cache toujours une sérieuse clé de bras. Va falloir vivre avec ça, rêver de partir autre part. On ne peut pas suivre les tanks ni se mettre à la place d'une balle. Un jour viendra sans se tromper. Bien sûr, ne laisse pas tomber. Car s'il n'y a pas de plan B, du coup, il y a tout l'alphabet. Vivre sous cette épée Damoclès. Pose pas la question si je suis rond, si je joue bien le drame. Je peux pas t'aider la mortless. La vie pour dire adieu mais nous verrons si ce jour viendra. Sous cette épée Damoclès. Te pose pas la question si je suis rond, si je joue bien le drame. Je peux pas t'aider la mortless. La vie pour dire adieu mais nous verrons si ce jour viendra. Furax Barbarossa 2000.